Bonjour d'abord. Ça va, bonjour. Merci pour vos nombreux mails et compléments de réflexion qui vont alimenter notre discussion aujourd'hui. Ça va être bien. Oui, c'est ça. Ça montre qu'on marche. C'est ça qui est bien. Ouais. Positif. Bon. À part ça, la semaine a été bonne. Ouais. Alors, vas-y, Rodrigue. Oui, la neige a presque disparu. La bourse se comporte bien, donc pour mon travail, ça va bien. Pour l'instant, pour l'instant. Mais pour le reste, j'ai beaucoup réfléchi à ton mail, Philippe, à vos et aussi la feuille de mission, enfin tout. J'ai beaucoup lu et il y a beaucoup de choses qui passent par la tête et je suis très curieux de vous écouter. Le mail de ce matin, Philippe, était très intéressant. On voit en effet que ça commence à bouger et les élites veulent pousser la grande masse dans une certaine direction. Et tout ça pour des raisons pécuniaires, souvent, pour les mettre sur le bon chemin qui les arrange. Et c'est une chose qui se passe presque chaque fois après une grande crise. Il ne faut pas s'en étonner, mais c'est inquiétant tout de même, puisque leurs choix ne sont pas nécessairement les nôtres. C'est ça la question. C'est ça qui fait notre différence. Oui. Et Philippe, qu'est-ce qu'il dit? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il attend que Rodrigue ait terminé sa présentation suisse. J'aurais une toute petite remarque. Ah. Dans le cadre de mon travail, je reçois plusieurs newsletters, comment dire, hmm? qui naturellement essaient d'anticiper le nouveau monde, mais au niveau du financier, mais c'est quand même très proche de l'économie et de la vraie vie. Et il y a beaucoup de réflexions et des choses assez inquiétantes et des choses évidentes qui vont se passer. Mais on pourra en discuter un autre moment. Ah, mais c'est Mais intéressant parce que c'est le moment là. En deux mots, les choses inquiétantes d'un côté, et puis après, les choses qui vont nous donner baume au cœur. inquiétantes, je donne juste quelques exemples. L'État voudra renforcer sa position. Les élites, c'est-à-dire tous ceux qui tirent vraiment les ficelles, c'est donc pas la démocratie, hein, c'est pas le Parlement, c'est pas le président, mais ce sont les grands groupes, ceux qui sont richissimes et qui savent bien manipuler le monde. Ceux-là souhaitent, avec l'argent qu'on déverse maintenant sur tout le monde, sur tous les États, pousser dans une direction qui stimule la consommation, qui reprend les anciennes habitudes, surtout de beaucoup dépenser et d'arrêter à faire de l'épargne comme tout le monde fait maintenant. Voilà, et ça fait tourner la machine et ça les arrange jusqu'à la prochaine crise où tout ira de nouveau mal et qu'il y a une autre situation. Mais entre les crises, ces groupes veulent se remplir les poches et pousser dans la direction qu'eux, ils souhaitent. Alors, là, il faut se battre, vraiment. Ouais, mais bon, si on regarde bien les choses, effectivement, rien n'a changé. Il faut faire circuler l'argent pour alimenter le système et faire en sorte d'enrichir le système, parce que le jour où il s'enrichit plus, ça va devenir extrêmement compliqué. Et ça c'est le plus, ça c'est le moins et le plus. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les réflexions? Le plus naturellement, c'est qu'il y a des vaccins, donc ça va soulager beaucoup de personnes qui sont en détresse, qui sont dans la pauvreté, etc. Ça, c'est la bonne chose, mais il y a des très très grosses dettes qui s'accumulent. On ne peut pas les liquider d'un moment à l'autre. Il faut se donner une bonne raison de dépenser. Et puis, ce n'est pas une surprise, mais on veut dépenser dans la direction de la durabilité, de l'écologie, de tout ce qui est droits humains. Mais en pratique, il y a une grosse industrie qui doit être poussée de l'avant pour introduire le monde durable et écologique. Alors, il y a des drôles de choses. On fait des voitures électriques qu'on alimente avec l'électricité qui vient des mines de charbon. Ou du nucléaire. Ou du nucléaire. C'est pas mieux. Mmh. Et il y a des grands choix, mais quoi qu'il en ait, l'industrie se frotte les mains pour de nouveau prendre une nouvelle direction. Et en soi, ce n'est pas si mauvais que ça, qu'il y a une bonne nouvelle direction. Mais les choix qui seront faits, il faut les voir à travers les lunettes de ceux qui vont tirer des profits. Alors, il faut être très critique et très bien choisir ce qu'il faut faire. Mais évidemment, ce n'est pas à nous d'influencer ce débat. Mais c'est un peu inquiétant puisqu'il y a beaucoup de diversité et c'est toujours finalement les intérêts des États et des groupes industriels qui prévalent souvent devant le vrai intérêt de l'individu. Tu viens de dire que ce n'est pas à nous à interférer dans ce domaine. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Je crois que c'est à nous, en tant que citoyens, citoyens du monde dans lequel qui nous accueille et de cette belle nature qui nous environne, c'est à nous à peser à travers une certaine sagesse à laquelle le jardin merveilleux peut nous amener. En tout cas, moi, c'est un peu dans cet axe-là que je vois les choses. Et c'est à nous à prendre nos responsabilités, à construire le monde de demain qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants. C'est pas fameux, hein. Mais bon, il faut leur laisser la possibilité de remettre le pied à l'étrier et de reconstruire un monde meilleur. C'est un vaste domaine et à chaque fois c'est toujours la même chose, l'argent reprend le dessus. Mais il y a toujours en contrepoint toujours ce jardin merveilleux qu'on pourrait appeler, que les anciens appelaient hier la Jérusalem céleste, cette Jérusalem que tout le monde idéalisait et pour lequel le monde s'est mis en marche, et pour construire et reconstruire un monde dans lequel eh bien, on peut espérer aller un petit peu mieux qu'hier, quoi. Bon, mais c'est à nous, c'est notre responsabilité. En tout cas, moi, je considère que c'est la mienne. Dans tous les domaines. Qu'il soit économique, moi en tant que consommateur, qu'il soit financier, en tant que petit actionnaire en bourse, en tant que spiritualité, chose que nous faisons ici et maintenant. Et voilà. Bon. C'est nous, en tant qu'êtres responsables, qui devons construire notre lendemain. Voilà, ça c'est mon sentiment, si tu veux. Tout à fait. Et Philippe, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que lui, il prend des notes, il usine. Oui, parce que tout ce que je prends, après ça, je réfléchis, je le relis, je le... je l'alimente avec d'autres choses que je lis et que je vois. Ça enrichit énormément la démarche et ça me montre en tout cas qu'on avance bien. Et que, voilà, bon, j'ai envoyé deux textes cette semaine. Ouais, vous êtes très productif, hein. Ça, j'avoue que c'est formidable, hein. Mais ça, moi, je te dirais que c'est aussi à l'inspiration. Donc, il y a des moments où il fallait que je prenne du recul par rapport à ce que j'avais partagé avec Stéphane, notamment, par rapport à ce que je partage actuellement avec Sylvie, qui apparemment est sur la voie d'arrêter son activité. Elle a eu du mal à prendre la décision et à chaque fois, je lui rappelle le verset de la Bible qui dit ben, il faut mettre la main à la charrue, mais ne pas regarder en arrière. Parce que sans ça, on est impropre, justement. Pour, très bien, très pour ce bien, Philippe. Voilà, Philippe, oui, oui, c'est très bien ça. Ne pas regarder en arrière. Allons de l'avant. Mettons un pied devant l'autre, en équilibre, certes, mais qui peut être instable à certains moments, mais que plus on va avancer vite, plus on aura de stabilité. Ça, c'est les lois c'est de la nature. Et ce matin, je me suis réveillé avec dans la tête la chanson de France Gall, Résiste, que peut-être que vous connaissez, justement qui fustige cette notre société pour essayer de trouver notre voie là-dessus. Bon, elle ne donne pas d'indications sur la voie à tenir, mais elle a dit au moins résister à toutes ces tentations qui sont celles que, finalement, les grandes industries, comme disait Roderick, soutiennent. Il faut consommer, voilà, le consommateur. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Eh bien, le fait que, bah, le petit mot de Michaela concernant, justement, l'adhésion à... Alors, c'était, le cap des possibles à Auray. Et puis en regardant le cap des possibles, en lisant de fond en comble, je tombe sur le LOASO, qui est en fait organisme qui soutient de façon gratuite et encourage les associations à développer justement les alternatives. Et donc là, ça y est, bon, je suis inscrit à l'un et à l'autre, avec un petit retour de LOASO. Me disant, on ne vous a pas trouvé dans, on n'a pas trouvé ARIA dans le répertoire national des associations. Dire, qu'est-ce que c'est que ça ? On existe déjà depuis plus de 10 ans, donc on y était au départ, mais en fait, il s'appelait autrement. Il s'appelait en fait asso-service-public.fr. Et depuis, en fait, ils ont supprimé ça et ils ont créé le RNA. Réseau national des associations, mais qui n'est réservé que aux associations de 1901. Or, notre association, ARIA, n'est pas 1901, elle est une association de droit local, comme il existe en France, en Moselle et en Alsace, avec beaucoup plus de prérogatives et de possibilités que les associations de 1901, avec en plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est que autant le RNA est en fait un contrôle de l'État sur les associations de 1901, autant en fait ben, on n'est pas dans le répertoire contrôlé. C'est ça qui est intéressant. On est en fait dans la légalité, mais pas dans le répertoire contrôlé. Ça, c'est une très bonne chose. Et je vais pousser un peu plus loin pour savoir, en fait, comme j'avais parlé à l'époque pour le jardin, que les terrains horizontaux sont fiscalisés, mais les terrains verticaux ne le sont pas. Ben, j'ai regardé un petit peu quelles sont les prérogatives exactes que l'on peut avoir dans ces associations de droit local. J'avais vu qu'en la créant ici, dans le Bas-Rhin, on était dans ce cas-là, mais j'étais jamais allé aussi loin. Et c'est vrai qu'ayant pris contact avec d'autres associations, à Auray notamment, ben, là-bas, ils disent ben, on a du mal à se faire reconnaître d'intérêt général. Comment vous avez fait ? Ben, nous sommes association de droit local. Et c'est vrai que maintenant, pour se faire reconnaître d'intérêt général, on peut pousser le bouchon très très loin, c'est très très difficile. Hein. C'est pas... Beaucoup d'associations, en fait, se lancent dedans en disant on se déclare d'intérêt général, et puis ils se font taper sur les doigts un peu plus loin. Quand il s'agit de défiscaliser. Nous, en fait, en ARIA 2E2D, en fait, on a commencé à travailler que lorsqu'on a eu l'assurance d'être défiscalisé. C'est ça l'intérêt. Voilà. Donc, en fait, en rentrant dans LOASO et le cap des possibles, on commence à mettre le pied dans la dynamique locale. On a une voie de développement à travers LOASO qui, en fait, accompagne pour tout ce qui est... Ça s'écrit comment, LOASO ? Ça s'écrit H-E-2-L-O et un peu plus loin, ASSO. De toute façon, si tu tapes dessus, tu vas tomber dessus. Oui, il faut savoir comment ça s'écrit. Voilà. Philippe, cette association est liée au département de l'Alsace et de la Moselle ou ça n'a rien à voir? Bah, écoute, c'est lié. C'est associé du fait que l'Alsace et la Moselle ont été annexées par l'Allemagne et en fait ont bénéficié de statuts particuliers allemands à un moment. C'est revenu dans le territoire français, mais la France n'a pas voulu éradiquer des choses qui étaient intéressantes dans ce droit institué par les Allemands. Donc, on a gardé ça. Du coup, on est beaucoup plus européens d'entrée. Quoi. On est tout de suite transfrontaliers. Ah, d'accord. Intéressant. Donc, on est ONG, ONG. On est un peu ONG, un peu malgré nous, quoi, mais c'est ça. ONG de droit... Droit local. C'est un droit local qui est... Bon, je vais fouiner un peu plus profondément pour savoir qu'est-ce que ça va nous permettre de plus par rapport aux 1901 qui sont bien, bien contrôlés maintenant. Intéressant. Voilà, donc à travers le Cap des Possibles, on a le collectif Cap des Possibles qui est à Auray. On a le pied dans la dynamique altermondialiste locale, environnementale et développement durable. Et à travers Eloasso, on est dans le système national alternatif. Voilà. Donc ça y est, c'est rentré. C'est pas mal parce que finalement, quand j'ai vu ça et que j'ai vu les possibilités d'Eloasso, je me suis reposé la question du Google My Business, là, donc, dans lequel j'étais rentré, qui est, lui, par contre, c'est mondial, mais quand même contrôlé par un géant de l'informatique, quoi, de la com. Alors que l'autre, finalement, ne vit que sur les dons et voilà, sur le bon vouloir des uns et des autres. Et non pas sur la pub ou sur des saloperies qu'ils pourraient faire ailleurs. Alors, on va reprendre un petit peu là où on s'est quitté la semaine dernière. Effectivement, tu avais souhaité regarder cette Google, comment on pourrait dire ça, Google Maps, ou autre, comment dirais-je, ah, j'en bafouille, bon, c'est pas grave, bon, tu devais regarder ça, tu oui. Nous as soumis un projet sur lequel je t'ai donné mon sentiment, Annick Dujardin a donné également un sentiment, à sa façon, Roderick, tout à l'heure, nous a donné aussi un sentiment, mais plutôt une orientation, Roderick, il oriente, et ça me paraît bien. Et je voudrais savoir, Philippe, où tu en es là maintenant par rapport à Google Maps ou Google Business. Alors, Google My Business, j'ai créé le chose, mais je ne l'ai pas publié, donc, parce qu'il n'y a pas de description. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. J'attendais justement d'en discuter avec vous, c'était l'objet d'aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Et depuis, en fait, y a de l'eau qui a coulé sur les ponts, sous les ponts. Et c'est vrai que Roderick a parlé de ponts. Et ben voilà. Et j'ai réuni, moi, le bureau. Enfin, Roderick fait partie maintenant du CA de l'association, mais j'ai réuni le bureau et on a parlé justement du projet, l'autre projet qui s'appelle Enseigner avec les ponts. On est encore dedans, enfin, tu vois, on est toujours dans ces comment faire, comment établir un pont pour un projet que l'on a défini d'entrée, n'est-ce pas Claude, en rupture avec ce qui existe, et comment le faire, comme là je reprends un peu les mots de Roderick, comment le faire pour que ça puisse être compris et et donner de nouvelles perspectives sans faire fuir, quoi, en gros. Alors, ça, c'est bien, parce que effectivement, c'était un petit peu le cadre dans lequel que j'attendais à titre personnel quant à ton message sur Google Business. Effectivement, il faut se donner les moyens d'avoir une certaine visibilité et que les autres aient une visibilité sur le jardin merveilleux. Et Rodrigue, qui suit sa propre logique, depuis qu'on le connaît, ça a commencé par un mode d'emploi, ça s'est poursuivi par un concept. Aujourd'hui, il trace sa route. Il trace sa route de façon très concrète. Et je pense qu'on a tous les moyens, et notamment en utilisant ton projet. Moi, je pensais que tu allais communiquer sur la base de ton projet, Philippe, pour aller vers l'autre et rendre plus visible ce jardin merveilleux. Moi, je pensais ça. Justement, Rodrigue, tu parles justement que tu as lu la fiche de projet et j'ai senti un petit, comment dire ça, une petite hésitation. Qu'est-ce qui t'attire et te chagrine dans ce projet, Rodrigue, puisque tu as lu la fiche? Attends, je prends juste la fiche. Alors, voilà, le voilà. Je rappelle que c'est une fiche qui, en fait, reprend les grands thèmes qui sont demandés dans les projets européens Erasmus. Voilà, les projets de coopération internationale et de partenariat, voilà, international. Donc, en fait, j'ai repris les grands thèmes, oui, sauf que je les ai écrits en français, alors que normalement, ils sont écrits en anglais. Bon. D'accord. Mais c'est bien ça. C'est bien. C'est vers ça, à mon sens, qu'il faut aller, si tu veux. Et je ne vois pas ce qui s'y oppose aujourd'hui. Mais on va laisser Rodrigue, à qui on a posé la question. Alors, il ne faut pas voir ça comme... il faut voir ça comme des remarques. Sans jugement, mais des remarques très froides. Quand on dit, au sujet de l'objectif principal du Jardin Merveilleux, enchanter le monde, c'est... et un petit peu plus loin, une nouvelle forme de développement pour notre société. Ce sont des termes pas précises, mais tellement larges et grandes que, pourquoi organiser une ONG, c'est pour enchanter le monde. Disons, ce sont des phrases qui sont très, très, très générales et avec lesquelles j'arrive pas très bien à avancer. C'est tellement général, et quand ça devient général, ça devient flou. Donc c'est une question, une remarque. Et puis, autre petit point, c'est... Attends, Rodrigue. J'aimerais, parce que là, c'est important ce que tu dis là. Tu dis que pour toi, enchanter le monde ou créer une nouvelle forme, donner une nouvelle forme à notre société, c'est trop flou. Bah. Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu peux étayer ton jugement? Alors, je fais ça de par mon pragmatisme, c'est-à-dire que supposons qu'il y a 10 personnes qui veulent tous une nouvelle forme de notre société, et ces 10 personnes vont tous avoir une idée différente. Mais ensuite, comment trancher, puisque chacun peut avoir raison, un peu, beaucoup, entièrement. Mais ensuite, ça pose un problème pour le chef de mission, mais aussi pour le vrai objectif qui est dans notre tête. Puisque plus qu'il y a de monde, plus que ça va aller dans tous les sens. C'est ce que tu écris, hein? Et cela, pour des raisons de pragmatisme, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire un tout petit peu plus cadrer ces remarques? Ah, d'accord. C'est bien définir un cadre de fonctionnement dans lequel chacun puisse se reconnaître et s'épanouir au profit du groupe. C'est ça. Hein? Mais ça, c'est possible dans la mesure où le chef d'orchestre, l'architecte de tout ça, a pris déjà bien en compte ces éléments-là, les a tracés sur un plan, et ce plan, c'est la fiche de mission dans laquelle chacun doit ou peut s'inscrire. Mais, si tu veux, tu as déjà une forme de projection, là, et d'élévation. Alors que la complexité de notre démarche, c'est d'être sur le plancher des vaches et de s'élever et d'élever les autres à côté de soi, pour ceux qui en ont envie. C'est-à-dire les aspirer, les tirer vers soi pour leur donner envie de grandir. Et de grandir avec nous et de faire grandir le projet. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un cadre. Et ce cadre, ça peut très bien être le projet que l'on a, et défini par Philippe, et par toi-même aussi, hein, parce que tu as été de ta plume, Roderick. Donc, à mon sens, on dispose des ingrédients, il n'y a plus, comme des briques d'un mur, mais il n'y a plus qu'à construire le mur, bon, et de le faire solide. Et le but d'un cadre, c'est de ne pas faire un mur avec tout genre de briques qui vont dans tous les sens, mais quand même de construire un mur, comme on dit. Nous sommes d'accord. Et je préférerais un pont. Oui, mais attends, tu... Ce qui est difficile, c'est de cadrer sans vouloir, tout en restant très ouvert, mais quand même de cadrer. Et je trouve que c'est une question extrêmement difficile à formuler. Donc, l'avantage de ces mots très larges, c'est que ça rassemble large, ça peut rassembler large, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de seuil, il n'y a même pas de cadre. Mais ensuite, pratiquement pour nous, pour avancer, comment est-ce qu'on va, je ne veux pas dire le but, ce n'est pas d'avoir un entonnoir, surtout pas, mais comment on va faire en sorte à ce que tout soit cohérent? T'as l'élément d'entonnoir, certes, mais on va reprendre, parce qu'il y est attaché, Philippe, depuis le départ, depuis qu'on cause, on parle du pont, ça, c'est sûr. Et à Saint-Goustan, on a le plus beau pont de la Terre, et donc on va essayer de s'en servir. Le pont de Saint-Goustan relie la ville d'Auray jusqu'au faubourg de Auray, qui menait vers Vannes, vers l'autre grande ville de quoi c'est Vannes. Et tout le monde passait par ce pont pour aller de Auray à Vannes. Bon. Oui. Ce pont, il a été détruit mille et une fois, aussi bien par la nature que par les hommes, et aujourd'hui, on a à nouveau un beau pont qui a été refait en 2018 ou 2019. Donc, on a un vrai beau pont. Mais pour aller sur un pont, on est obligé d'avoir cet effet d'entonnoir que tu évoquais. Hein, parce que le pont, il ne fait pas la largeur du passage espéré. Il y a donc un goulot d'étranglement qui va filtrer et qui va permettre à l'homme d'enjamber. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un rite de passage dans ce pont? Est-ce qu'il va y avoir une transformation entre... le pont, l'entrée et la sortie du pont, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Ça c'est. Mais c'est bien, c'est. On est dans le. Là, je vous dirais qu'on est dans le cœur du sujet, et c'est en fait le cœur du projet, c'est un cœur pédagogique. C'est-à-dire comment mener les gens d'un partant de la situation actuelle de notre société pour les mener vers une autre situation, mais que nous ne contrôlons pas encore. Ça, c'est clair. On la contrôle pas. Faut pas se leurrer. Si on la contrôlait, on ne ferait pas plus que tous les projets qui ont déjà eu lieu sur la Terre et qui se sont soldés à travers les guerres. Donc, c'est pas mieux. Moi, je regarde vers le haut. Et en fait, ce qui est bien ressorti ces temps-ci et qu'on a bien ressorti aussi avec Stéphane et Sylvie, c'est cette notion d'en haut. C'est-à-dire, autant on peut avoir les pieds sur terre, et pourtant, il y a bien un verset de l'épître de Jean, de l'évangile de Jean qui parle « Qui ne naît d'en haut ne peut voir le royaume de Dieu. » Il faut naître d'en haut. Donc, en fait, ça démarre en haut. On a l'avantage sur ce terrain d'avoir un en haut et un en bas. Et en plus, on est entre deux voies qui s'appellent neuf, Quai Neuf et Rue Neuve. Donc, ça peut être que neuf, quelque chose qui n'existait pas avant. Voilà. Et avec Stéphane qui a le sécateur à la main et pas mal de choses dans les mains et qui veut travailler de ça, lui, il avance comme ça. Il avance en fait par ce qu'il fait sur le terrain. Et en fait, on a imaginé de faire des choses qui vont naître en haut et descendre le long de la paroi, puisqu'en fait, on a des falaises. Et ça nous a déjà été montré au printemps dernier à travers les poids de senteur qui en fait venaient du voisin d'au-dessus, qui était arrivé chez moi et qui en fait commençait à vouloir descendre le long de la paroi à l'endroit où on a commencé à enlever à couper le lierre. Ça veut dire qu'il y a des choses on peut montrer en fait de façon matérielle que des choses qui prennent racine en haut peuvent être fantastiques, peuvent être très chouettes. Ça, on peut le montrer dans un jardin. Et c'est déjà une vision à la fois, jardinière ou paysagère, mais c'est aussi une vision symbolique, déjà là-dedans, puisque en fait, ça démarre d'en haut pour aller vers le bas. Et quand on parlait aussi du chemin, de la porte qui était en bas, qui fait remonter à la source, c'est pas rien. Tout ça, en fait, il y a un en haut et un en bas. Si, pour moi, prendre effet en bas, c'est ne pas faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, il faut commencer d'en haut. C'est-à-dire qu'il faut que la vie prenne en haut et qu'on remonte et qu'on fasse remonter les gens vers la vie en passant par le bas, la porte du bas, qui permet de monter. Alors, ce fameux chemin qui est mentionné sur le plan. D'ailleurs, le plan, je l'ai mis dans... On l'a reçu dans Dropbox. Dans Dropbox, je l'ai mis. Hein. Alors, Il a été refusé pendant un moment. Peut-être qu'il était trop lourd, alors je l'ai réduit petit à petit jusqu'au moment où il a accepté de rentrer dans Dropbox. Bon, peut-être qu'à un moment, il faudra que je prenne l'abonnement qui est au-delà, enfin, qui permet d'avoir un accès cloud un peu plus important que l'accès gratuit, je verrai. Parce que c'est vrai que mettre que des choses réduites, ça limite un petit peu la... Quand on veut travailler dessus, là, je l'avais vu par exemple sur le tableau de Jean-Marc, je sais comment il s'appelle déjà. Simon, voilà, de Jean-Marc Simon. C'est qu'à partir du moment où tu as mis quelque chose de pas très lourd, quand tu essayes d'agrandir, tu vois les pixels, c'est moche. Voilà. Donc il y a un moment, il faut quand même mettre quelque chose d'un peu plus de meilleure qualité. Philippe, je vais reprendre ce que tu viens de dire, indépendamment des problèmes numériques de capacité. Tu viens de nous dire, et ça c'est quelque chose de nouveau, pour moi en tout cas, que l'intérêt de rentrer par en bas est de donner accès au haut, parce que c'est du haut que vient... la richesse spirituelle de la démarche. C'est ça. Bon. Mais tu as quand même une double problématique tu as quand même une double problématique à gérer. C'est-à-dire... Excusez-moi. C'est les cocottes qui t'appellent. Non, non, j'ai plusieurs lignes. Non, mais je te mets en boîte. Oui, alors, donc, comment interpeller quelqu'un qui passe devant la porte du bas pour l'inviter à remonter et à voir ce qui se passe en haut? C'est bien ça? J'ai résumé la situation? Oui, si ce n'est que ça, c'est la situation finale. Nous avons en fait une marche à faire ensemble, et la marche, pour l'instant, elle est de passer par la porte du haut. Oui, d'accord, mais bon, il faut savoir, on passe en haut. Et quand je te disais que c'était plus simple de passer en haut, tu me disais, non, c'est par le bas qu'il faut passer. Maintenant, je te dis que par le bas, il faut passer par le bas pour rejoindre le haut. Et tu me dis, non, c'est en haut qu'il faut passer. Alors, je vais te laisser, moi, manœuvrer là-dedans, parce que ça, je suis incapable de bon, alors, j'explique, je m'explique, disons. Actuellement, le terrain est accessible par le haut. Ou plutôt, par, c'est pas tout en haut, puisque c'est en milieu de terrain. Ce terrain, cet accès par le haut, nous permet de voir dans quel état il est, de le parcourir. Et bon, l'objectif final, c'est de passer par le bas. C'est de passer par le bas pour que la démarche d'élévation puisse se faire. Qu'on passe par une porte. Cette porte, alors, tu parles de rites de passage, de transformation, on verra. Ça, ce sont des choses qui vont encore s'affiner, puisque la porte n'est pas encore là. On a juste défini qu'il y avait une porte qui devait se faire là. Pour l'instant, la porte, elle est en haut. Et elle nous permet, en fait, de préparer le terrain pour que l'on puisse ensuite accéder par la porte du bas. Si je mettais une porte du bas pratiquement actuellement, ça deviendrait un repère de tous ceux qui veulent se planquer pour faire des échanges de shit. Donc, c'est pas la peine. Pour l'instant, on n'est pas dans la bonne voie. Donc, la situation, pour moi, la situation actuelle, qui est une situation transitoire. La porte du haut permettant d'avoir accès pour faire ce que l'on a envie de faire de ce terrain. Par contre, la démarche de celui qui vient et qui veut découvrir le jardin, elle passe par le bas. Pour l'instant, on est plutôt dans la phase constructive. D'accord. Un peu, voilà. D'accord. Bon, alors, ça c'est clair. Maintenant, je nous ramène un petit peu au plancher des vaches. Quid du texte que tu pourrais préparer pour Google Business et annoncer ton jardin, annoncer la démarche, commencer à préparer les esprits. Ben c'est bien, on en discute. Moi, le dernier texte que je vous ai envoyé, c'était pour l'instant sur ce texte. Je suis quoi ? Pour l'instant ? Pour l'instant, je suis quoi ? Je ne sais pas quoi présenter. Ah. Si ce n'est en conformité avec ce que Google Business attend et qui ne sera pas forcément dans pour l'instant qui me semble. Enfin, j'arrive pas à trouver le terme. Toi qui as été justement commercial, tu sais très bien quels sont les termes, les mots-clés et tout ça qu'il faut mettre dessus. Moi, je l'ai fait aussi. Mais tu l'as fait, ça, ce travail-là, il est fait dans ton projet. Les termes, tu les as. Il n'y a plus qu'à synthétiser ça et à le rendre, à donner envie. Tu as tout, là. Et puis, Rodrigue, il t'en a rajouté, là. Non. Hein, mais moi, je... pour l'instant, je n'ai pas réussi. Peut-être qu'il me faut encore du temps. D'accord. Il me faut encore du temps et de la discussion avec vous. D'accord. Avec, voilà. D'accord. Là, pour l'instant, j'ai pas. La chose qui m'est sortie, c'était le premier texte que je vous ai envoyé, qui n'est pas très, c'est vrai, pas très terre à terre. Et sans être terre à terre, tu donnes pas envie. Il faut donner envie. Il faut aiguiser la curiosité. Mais Claude, ça c'est la communication, n'est-ce pas ? Mais nous sommes ni plus ni moins. Google Business fait des annonces de communication, mais est-ce qu'on peut avoir, si tu veux, de l'autre côté du pont, pour reprendre, et ça je pense que c'est intéressant, pour reprendre, tiens, voilà, ça pourrait s'appeler comme ça, de l'autre côté du pont, vous trouverez le jardin merveilleux. Bon, voilà, mais... si on veut capter quelques intelligences, effectivement, il faut sortir du plancher des vaches. Mais il faut déjà capter et intéresser un individu. Si tu veux l'amener sur un chemin de progression en philosophie, en spiritualité, en développement de l'esprit, eh bien, tu le prends à la base et puis tu l'amènes à respirer dans ce nouvel environnement dans lequel tu veux lui communiquer. C'est un transport, il faut que l'individu se transporte et se projette. Pour ça, il faut lui donner envie. Et en un mot, alors la difficulté qu'il y a, c'est le jardin. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave dans la mesure où tu amènes quelqu'un à changer d'état pour se projeter dans une nouvelle démarche qui va lui permettre de mieux respirer, de changer d'état, de se métamorphoser vers un monde dans lequel il puisse se reconnaître. Alors, là, je reprends tout de suite dessus, parce que ça m'a tout de suite fait penser à ce qu'on avait échangé avec Madame Masson, la maire, et son adjoint. Il y a une phrase qui a été dite et que j'ai vu qu'elle avait, ça avait tilté, c'était si la partie sud du port en fait est une partie qui est complètement conforme à la société de consommation dans laquelle nous sommes, la partie nord pourrait en fait avoir une autre identité aussi intéressante, voire plus, que cette partie sud. Mais nous sommes d'accord. Voilà. Ben ça, il faut le dire. Et quand tu parles de partie commerciale sur le port de Saint-Goustan, c'est pas... Non, c'est partie conforme, c'est-à-dire c'est tourisme, c'est consommation. Mais pas que. Pas que, ah. Tu verrais les gens qui viennent. Non, c'est pas que de la consommation. Si c'était que de la consommation, j'irais pas tous les jours. Tous les jours, je vais me promener à Saint-Goustan et sur les berges de la rivière. Ah ben c'est chouette, c'est sûr. Hein. C'est aussi la capacité de se ressourcer. Ce port, qu'est-ce que c'est qu'un port ? Un port, c'est comme ton jardin. Un port, c'est là où tu viens te reposer après la tempête. C'est là où tu viens te reconstruire après avoir passé des moments difficiles en mer. Regarde l'arrivée du Vendée Globe. Regarde ce qui se dit. C'est intéressant, ça aussi. Bon, mais Saint-Goustan, c'est au-delà de... bien sûr que c'est touristique. C'est évident. C'est historique. c'est marqué dessus. Non, je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Et le jardin, là-dessus, après, hein, prenons le pèlerin qui quitte Auray, qui passe sur le pont et qui va quitter le port, hein, qu'il trouve tout de suite après le pont, eh bien, cette personne-là, elle va venir s'apaiser dans un jardin. Elle va venir se ressourcer dans un jardin. Et je pense que c'est bien. Non ? Tu vois, j'attendais cette conversation, parce que au fur et à mesure que tu parles, et c'est un peu comme ce qu'a dit, ce qu'a écrit aussi Rodrigue et ce qu'il a dit, c'est qu'il y a des... je pioche les mots, je parlais d'un port. Et ça, c'est vrai que le port, il y a beaucoup de gens qui... pourquoi ? Parce qu'en fait, un port, c'est un départ vers la mer, vers un horizon inconnu. Et d'entrée, il y a un autre... il y a la fameuse phrase « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Et c'est vrai que se promener le long d'un port, tu es la mer à côté, tu as l'eau à côté. Il y a toujours un imaginaire qui en fait... va avec le port, partir vers quelque chose. Et, ou revenir vers quelque chose. Ou revenir vers quelque chose. Ou revenir, trouver un port. C'est d'ailleurs un terme qui est beaucoup utilisé dans les chants protestants. trouver un port dans les chants chrétiens, de façon générale d'ailleurs. Oui, oui. Et je pense, si tu veux, et je reviens à ton annonce. Je pense que Saint-Goustan doit être cité. Parce que là, on est à gérer les moteurs de recherche, à gérer les mots-clés, hein, sur ce type de... Et si tu veux gérer les moteurs de recherche et les mots-clés et les faire bien fonctionner, pour t'amener ton quidam de Auray au pont de Saint-Goustan, au port de Saint-Goustan, puis au Jardin Merveilleux, eh bien, si ces quatre mots-là sont là, eh bien, ça va tomber. Ça va tomber. Et c'est à toi, après, à inviter celui qui vient à ne pas être déçu de ne pas forcément trouver quelque chose qu'il attendait, mais d'avoir un berceau dans lequel il va pouvoir se ressourcer. Et un peu comme un nouveau-né, quoi. On le met dans un joli petit berceau, et là, il va être bien, quoi. J'aime bien ces symboles, le berceau, le port, le haut. Mais effectivement, c'est des mots directeurs, ce sont des mots directeurs. Mais ces mots directeurs-là, dont Google peut se servir, il faut savoir que tout un chacun peut se servir. Ça peut être, le jardin peut être un point de repère sur Saint-Goustan. Et on est toujours à chercher des points de repère matin, midi et soir. Hier, j'avais un rendez-vous, pas loin d'Auray, hein. On a mis 45 minutes pour se retrouver à 8 minutes de chez moi. Bon, à 8 minutes de chez moi, en voiture, hein, voiture. Eh bien, on a mis 45 minutes pour se retrouver. Et comment on s'est retrouvé ? Eh bien, autour de l'abbaye de Notre-Dame d'Auray. Voilà. On s'est retrouvé là. Mais c'est grâce à l'abbaye qu'on s'est retrouvés. On n'aurait pas eu l'abbaye, on ne se retrouvait pas. On n'avait pas de point... on n'avait pas de point directeur. Donc, et on s'est retrouvés par Google. Hein. Donc, on voit bien que ce qui est ancré... Tiens, ça nous rappelle les ports, ça, et les bateaux. Ce qui est ancré dans le paysage... eh bien, doit être un fil conducteur et permettre au Kidam qui passe, celui qui veut faire un chemin symbolique, lui donner quelques pistes à la fois, et puis quelques sièges pour s'asseoir, quoi. S'asseoir et se ressourcer. Voilà, moi, c'est ça, le jardin symbolique. Dans sa partie la moins symbolique, c'est s'asseoir pour se ressourcer. C'est vrai qu'indépendamment de la crise du Covid, il y a une soif, un besoin de trouver du sens à sa vie, une direction. Et tous ces mots, le fil conducteur, le point directeur, le haut, le port, le berceau, s'asseoir pour se ressourcer, tout ça, ça attire, mais comment dire, ça attire pour trouver le silence, mais pas comme un bateau qui sort du port pour aller vers l'âge, vers le futur, n'est-ce pas, pour s'attaquer. C'est d'abord il faut se retirer, un accueil, et seulement depuis là, on peut partir vers la mer, n'est-ce pas? Ouais, mais on peut déjà y revenir. On peut y revenir, le port, c'est pour ça qu'il doit être accueillant, et y revenir, regardez l'arrivée du Vendée Globe, dans quel état ces bateaux, qui sont des monstres de technologie, reviennent tout cassés de partout, quoi. Ouais. Hein? C'est intéressant, ça. Et ils ont fait le tour du monde. Et les 5 premiers sont arrivés dans les 8 heures, hein, 40 000 km, 8 heures. Formidable. Au fait, est-ce que vous voyez ce que j'ai derrière moi? Mais oui. Vous m'avez rien dit. Impressionnant. Ça vous inspire ou pas? Non, attends. Je le vois en un peu plus gros. Oui. Ah. Bon, tu nous donnes le temps de lire, hein, quand même. Non, mais je c'est l'idée. Cette photo, je vous l'envoie, et comme ça, vous pourrez, pas forcément la méditer, mais ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est un mur de mots que j'ai fait en découpant les titres du journal Télérama pendant 6 mois. Les titres qui m'ont inspiré. Des choses qui donnent des réflexions. Eh bien, si ça vous intéresse, je vais vous l'envoyer, comme ça vous me direz un peu. Mais c'est un simple collage de titres. Avec plaisir. Voilà. Je suis en train d'en préparer un deuxième. Parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Donc on lit le même truc. Parce que moi aussi, je suis abonné à Télérama. Ah. Eh bien alors, tu es abonné à Télérama et ça t'a pas inspiré, ce Covid? Je lis, c'est justement, ça fait partie des lectures, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que celle-là. Ah non, mais moi non plus. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses là-dedans. Mais il y a, je pense, de quoi élever son esprit et de se mettre en réflexion. Voilà. Bon. Et puis, je suis en train de faire une fresque, un machin. Bon, ça, c'est mon petit passe-temps. Excusez-moi, je sais pas, j'ai dénaturé un petit peu notre propos. On était au port, au Vendée Globe, et ces bateaux qui revenaient en triste état après avoir parcouru 8 mois en mer. Pas 8 mois. Ils sont partis 8 semaines. Non, 80 jours. 80 jours. Est-ce que ça te permet d'avancer, ce qu'on se dit, Philippe? Ah, mais c'est sûr. C'est sûr que ça me permet d'avancer. Moi, j'y comptais bien sur cet échange-là, justement. Et c'est un peu pour ça que j'avais envoyé quelques textes avant, pour un peu pour vous les... Vous les distiller un petit peu, ouais. Pour vous faire réagir un peu, et de le donner à d'autres qui, en fait, ne résonnent pas forcément comme nous. comme ce qui se passe, pour déjà un peu montrer que, ben, que c'est une chose qui est en marche. Voilà, et que c'est... En tout cas, le fait d'avoir... Rodrigue qui dit le jardin, en fait, actuellement, en fait, il a aucune, aucune signification mais c'est sûr. Pour celui qui passe devant. Mais pour celui qui a travaillé, je vous assure qu'il a une signification. Mais c'est évident. Voilà. Mais c'est évident. Évident, évident. Mais, voilà. Mais tu es seul à avoir travaillé avec... voilà. Donc... Non, justement, j'ai découvert, en fait, j'ai mis en marche Stéphane. Oui, mais avec Stéphane. Parce qu'avant, il n'était pas. Mais Sylvie, actuellement, ça lui a permis de prendre, en tout cas, la bonne décision, de dire « je vais m'arrêter, comme ça, on va pouvoir faire des choses à deux ». Donc c'est en cours, c'est quelque chose qui est en train de... c'est un bateau qui prend la mer, comment dire ça. Voilà, il est en train de... qui va prendre la mer, mais qui est en train d'être armé. Voilà. J'aime pas le terme armé parce que justement, il sert aussi à d'autres usages. Ah mais on arme un navire, hein. Ça c'est clair. C'est ça. Ça oui. C'est clair. Mais est-ce que ça voudrait dire que... Tu penses peut-être déménager à Olré ou dans les environs ou est-ce que... Je ne sais pas. Alors, il y a un an, lorsqu'on est venu sur ce jardin, on a remarqué la maison du 30 rue Neuve qui était abandonnée. Et on s'est dit, mais bon, elle est juste à côté, quel gâchis. On n'a pas le droit de construire en fait sur ce terrain-là, mais cette maison, elle est quand même, c'est la plus proche. Bon. Et là, moi, je lui ai dit, tu vas voir, d'ici un an, on va savoir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Et effectivement, on a eu la surprise de voir qu'elle était mise en vente juste après l'été. Je suis allé la voir, j'ai pris des photos à l'intérieur, etc. Mais ceci étant, on est encore sur le plancher des vaches au niveau financier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui en demande une fortune, alors que tout est à faire sur place. Donc, comme je disais à Claude lorsque je lui en ai parlé, eh bien, on verra, puisque toi, tu es dedans, on va voir si le Seigneur nous la destine ou pas. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, je ne fais rien vis-à-vis de cette maison, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un tas d'argent. Et nous, nous ne raisonnons pas par l'argent. Voilà. Nous n'avons rien. Je ne suis propriétaire que de ce terrain à 1 euro. Et encore, puisque Sylvie est aussi copropriétaire, je suis propriétaire d'un demi-euro. Voilà. D'accord. Et ce demi-euro, en fait, nous permet de faire beaucoup plus ce que l'on veut que si c'était un terrain qui nous était prêté par quelqu'un, par la collectivité, par le public ou quelque chose, quelqu'un d'autre. Voilà. Là, au moins, je sais que c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Stéphane, qui est architecte, il m'a dit, mais faire un pont, il faut faire des fondations en béton, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors je lui dis, maintenant, ce terrain, il est chez moi, tu vas essayer de réfléchir autrement que ce que tu as appris jusqu'à présent. Moi aussi, j'ai appris le béton, j'ai appris la construction, j'ai appris l'hydraulique, l'électricité, etc. Mais il y a dans la vie beaucoup plus que tout ça. Et essaye d'imaginer. Et il a commencé à imaginer. C'est comme ça que, par exemple, il a construit le garde-corps qui permet de ne pas chuter de 8 mètres lorsqu'on rentre sur le terrain. Et c'est un garde-corps sur lequel je me suis appuyé, qui est souple. On n'a pas l'habitude de ça. C'est complètement hors norme, mais ça tient, ça joue son office. Et c'est exactement la même chose que... là, il est en train de concevoir une passerelle suspendue qui va être suspendue à quoi ? À ce qui existe sur place, c'est-à-dire des arbres vivants. Donc, voilà, c'est sortir un peu des chemins traditionnels de pensée qui sont complètement balisées par notre normalisation et notre réglementation, pour entrer dans quelque chose qui est du ressort de la vie, tout simplement. Donc c'est ce qui va, c'est ce qui va probablement se faire dans cette année. On parlait de semer des choses qui vont pendre au niveau des falaises, ou qui vont s'accrocher en fait sur l'existence, c'est-à-dire les ronces, les arbres, les choses comme ça qui sont sur les falaises et qui tiennent, mais qui en fait sont capables de me porter, moi qui fais 90 kilos, donc qui sont capables de porter un potiron, par exemple, pourquoi pas. Donc il y a des... Il faut bien penser que le fait d'être propriétaire, ça permet de dire on peut penser autrement. Et si on ne veut pas construire, construire, ça veut dire respecter des normes déjà définies par les hommes. Là, c'est imaginer autre chose. Là, c'est on peut imaginer autre chose. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui n'existe pas ? Il y a une chose qui me paraît intéressante dans ce que tu viens de dire, Philippe, c'est que tu te sens libre comme l'air de faire chez toi ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est faire autrement que ce qui a été fait par nos congénères. Oui. Hein, on est d'accord là-dessus ? Oui, c'est une façon, c'est-à-dire que moi, je vois ça comme une porte ouverte dont je ne vois pas tout ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, alors, voilà. Maintenant, tu es inscrit dans une dynamique de partage. Oui. Et si tu veux partager, il faut penser aux autres. Et il faut penser à tous ceux, à ceux qui vont s'intéresser au jardin. Et s'intéresser au jardin, ça veut dire que il faut qu'il y ait des choses à dire et à communiquer pour capter l'attention. Les gens posent des questions, ok, qu'est-ce qu'on leur dit ? Comment tu vas faire évoluer ton jardin pour que tu captes l'attention de celui qui passe devant ? Ou de celui qui est venu exprès, parce qu'il a vu sur Google Business jardin merveilleux. Mais celui-là, tu l'as vu une fois, tu vas lui demander de revenir, et qu'est-ce que tu vas lui donner pour qu'il revienne ? Donner comme... comme élément de partage. Oui. Alors, la question que tu poses m'a fait immédiatement penser à la démarche que l'on a actuellement avec le Covid. On découvre. Et au fur et à mesure qu'on découvre, il y a les scientifiques qui parlent d'une façon, il y a les politiques qui parlent d'une façon, il y a les journalistes qui parlent d'une façon, mais on est quand même en phase de découverte. Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas tout. On essaye de baliser, mais on ne sait pas tout. Et c'est un peu ce que je te disais quand je dis « je vois une porte entrouverte, je ne vois pas tout ce qu'il y a derrière », un peu comme dans le tableau de Jean-Marc Simon, où il y a en bas, tu as des murailles avec des portes, enfin, des ouvertures qui n'ont aucune porte, donc tu rentres très facilement, il n'y a aucun problème. Et par contre, en haut, tu as une muraille qui est en 3D, donc avec des renfoncements, etc. Et il y a une seule porte qui est entrouverte et on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière. On l'a imaginé parce que on était juste derrière le Adam et Ève là, qui lèvent les bras au ciel et qui voient la luxuriance du jardin qui est derrière. mais en fait, derrière la porte entrouverte, on ne voit rien. Et on sait très bien qu'on ne verra pas ce qui est derrière la porte parce qu'elle n'est que entrouverte. Je marche comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu ce jardin merveilleux. Et au fur et à mesure que j'avance, je vais me rapprocher de la muraille. J'en verrai de moins en moins. Mais je sais qu'il y a une porte entrouverte. La partie partage dont tu parlais, justement, le collaboratif que j'ai voulu dès le départ, c'est justement ce qu'on ne sait pas dans cette porte entrouverte. C'est que ce que je ne sais pas, ce que je ne maîtrise pas. Cette partie, ce collaboratif, je ne sais pas où est-ce qu'il va nous mener. Actuellement, on en parle beaucoup, Roderick et Claude et moi-même. On commence à en parler, j'en ai parlé un petit peu à Daniel Martin, qui est aussi architecte, et puis à Stéphane, à Sylvie. Petit à petit, il y en a qui commencent à se faire à cette idée-là. Et on s'y fait d'autant plus que la situation casse-pied de la pandémie se prolonge. Donc, on commence à se poser de sérieuses questions. Donc, j'en avais déjà parlé la fois dernière. J'ai pas l'impression. Je ne sais pas en fait vers où nous allons. Mais je l'ai vu de loin. Alors, je m'excuse. Je vais. Tu ne sais pas ce que tu peux partager. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte. Par contre, tu as, me semble-t-il, toi, la nécessité de t'offrir en partage aux autres. Ça passe par ton canal. Et ce canal implique que tu sois un intercesseur entre le jardin et les autres. Un peu comme le pharaon en Égypte ancienne qui était l'intercesseur entre les dieux et son peuple. Intercesseur et responsable. Quand il devait rendre compte ce pharaon parce que la crue de l'Égypte n'avait pas permis de ci, de ça, il remontait jusqu'aux sources du Nil pour voir ce qui s'y passait. Ils étaient responsables, ils étaient co-responsables devant son peuple. Ce serait bien d'ailleurs que nos politiques en prennent un peu de... Bon, mais toi, Philippe, tu es co-responsable vis-à-vis des autres. Tu veux aller vers les autres. Tu ne connais pas bien le chemin, ça c'est sûr. L'ouverture, elle est étroite. Tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Bon, ça, c'est clair. Mais à un moment donné, il faut se lancer à l'eau, quoi. Me semble-t-il. Alors, peut-être que c'est trop tôt. Si c'est trop tôt, donne-nous un plan dans lequel on va pouvoir se mouvoir. Mais à mon sens... Il faut profiter de ce Covid qui nous permet de nous fixer, etc. Mais la machine, la boîte à idées, elle continue de fonctionner, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer cette affaire, quoi. Est-ce que je peux juste vous dire une chose? Ah, bien sûr. C'est le moment, d'ailleurs. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, Claude. Et ce qui aide dans cette démarche, c'est de nouveau, on revient, c'est pas nouveau, c'est le côté symbolique, le symbole. Le fameux chemin, on commence un chemin, mais on ne sait pas où il mène. Est-ce que c'est imaginable d'avoir un chemin qu'il faut oser marcher dessus, mais on ne sait pas où ça mène. Et je pense ici à quelque chose au Limbourg, au sud de la Hollande, où il y a une attraction, mais c'est pour les enfants, qui s'appelle le chemin des contes de fées. Et en fait, c'est une forêt. D'abord, on voit de la verdure. Et alors, on va de Blanche-Neige au petit chaperon rouge, etc. Mais on ne voit pas du tout où ça mène. Alors, ici, évidemment, on ne parle pas des contes de fées. Mais cette idée de commencer quelque part et que ce soit une surprise où on arrive, ça peut être un bon départ, peut-être. Quelque chose de très symbolique. Si ça rayonne par sa beauté, si ça rayonne par quelque chose qui inspire, si ça intrigue, interpelle avec des surprises ou des questionnements. En tout cas, avec ceci, on peut avoir un bon départ qui amène les gens à entrer dans le jardin, en tout cas sur le chemin qu'ils doivent suivre. Est-ce que ce serait... Alors, même ici, on ne sait pas encore comment habiller ça tout à la fin de ce chemin. Mais est-ce que ceci pourrait déjà être un bon démarrage, un bon départ? Je sais que c'est, quand on parle des saucissons, que c'est seulement une tranche du saucisson qu'il faut gérer. Mais l'accueil, l'interpellation, les symboles qui nous mènent sur un chemin qui va amener à, et ensuite point, point, point, là, on doit vraiment encore y réfléchir, naturellement. Mais ça, je pense que c'est très, de nouveau, terre-à-terre, pragmatique, mais c'est... C'est un passage obligé. C'est un passage obligé, ouais, oui. Tout à fait. Alors, il y a un truc qui pêche, là. Mais on peut peut-être se rattraper aux branches, et sur ce terrain-là, c'est pas du luxe. Depuis maintenant plusieurs mois, Philippe veut donner accès à son jardin par en bas. Et effectivement, tu mets une porte en bas et rien derrière, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que si on donnait accès au jardin par en haut, tu rentres dans le jardin, tu te retrouves dans un espace végétalisé, et sur lequel tu peux ne serait-ce que discuter avec la personne qui arrive, ne serait-ce qu'échanger avec elle, ne serait-ce que l'amener à faire quelque chose, à laisser un petit mot dans une boîte aux lettres, à dire « voilà, je suis passé », quoi. Tu sais, un peu comme dans ces endroits où tu as une petite source, tu te promènes, tu as une petite résurgence d'eau, et ben, tu vas jeter la pièce pour dire « je suis passé là ». Et bien ça, c'est un facteur déclenchant qui donne envie aux gens de passer, certes, qui vont aiguiser leur curiosité, certes, mais qui peuvent leur donner envie de revenir si on a su communiquer pendant ce court laps de temps avec eux et pour leur donner envie de cheminer différemment. Très intéressant, oui. Très bien, oui. Mais ça, je dirais, on en a déjà parlé il y a pas mal de temps. Quand on parlait de... je vous avais envoyé déjà, je vous avais mis même en lecture directe un texte justement où je parlais de ce que l'on ressentait lorsqu'on rentrait dans ce... sur ce jardin qui partait du bas, que en fait c'était jamais la même chose, que même quelqu'un qui passe pour la deuxième, la troisième, la quatrième fois ne trouve jamais la même chose, que en fait tout cet ensemble qui est vertical, je le voyais équipé de entre guillemets machines à eau, c'est-à-dire montrant en fait toute la richesse qu'il y a dans à travers l'eau. Que j'ai découverte en enseignant l'hydraulique. Et puis que finalement, de toute façon, dans un premier temps, tout va se passer par le haut. forcément, puisqu'il n'y a pas de porte en bas. Donc, par contre, ce chemin, il va être ce chemin du bas. Il est prévu, mais pour l'instant, il est encore obscur. On est encore du côté obscur. Mais alors que celui du haut, il existe. Et il y a déjà des gens qui sont rentrés sur le terrain. J'ai déjà discuté avec pas mal de gens qui sont venus là-dessus. On a fait l'arbre à idées en septembre dernier. J'y ai joué du violoncelle en juin dernier. Enfin, il y a déjà pas mal de choses qui sont passées par le haut. Et là, c'est aussi par le haut que l'on va faire pour faire descendre le long de la paroi, en fait, tous ces végétaux, tous les fleurs, hein, quand on parlait de... il y a falaise aux oiseaux, la verticale fleurie, et puis il y a tout le côté fruits et légumes, qui vont aussi, en fait, agrémenter, mais en descendant du haut. Ça sera, et du coup, pour savoir un peu ce qui se passe en haut, bah, forcément, il faut venir par en haut. C'est, là, on a ici un jardin, là j'y suis allé ce matin un peu, on a eu je pense que chez vous, vous avez ça aussi, hein, des courges dont les ramifications, les branches vont jusqu'à 4 ou 5 mètres de long. Donc, on arrive à les faire naître en haut et puis descendre, en fait, le long d'une paroi. Il y a des choses qui sont très chouettes que l'on peut montrer, hein. C'était aussi un peu le but de dégager les parois lors de mon passage en janvier. C'était pour voir s'il y avait des endroits, des anfractuosités qui permettent de retenir justement toutes ces choses-là que l'on pouvait faire pousser. Et en faisant ce travail même en suspension, en rappel, je me suis aperçu que, et c'est ce que je suis en train de dessiner, que le lierre avait créé des microclimats entre la paroi et le lierre qui faisaient que c'était suffisamment humide et chaud pour que certaines espèces puissent s'y retrouver. Donc, il y a des choses, il n'y a pas besoin, comme ils annonçaient là, de créer une serre de plusieurs hectares pour avoir déjà des écotopes, je dirais, des biotopes sur place. Qui sont capables de gérer en fait des espèces beaucoup plus fines que celles que l'on a l'habitude de voir. Donc il y a un potentiel énorme sur ce terrain, il y a un potentiel énorme qui petit à petit, je dirais, se révèle. Mais je pense que ça va, je dirais que cette année ça va prendre son envol. Enfin, j'allais dire prendre son envol, non, je dirais c'est la dynamique va démarrer cette année. Ne serait-ce qu'à travers justement la grande lessive là, sur les jardins suspendus. Alors justement, la grande lessive. Oui. Je voyais que tu avais prévu cette grande lessive le samedi et le dimanche. Or, il faut savoir que la grande lessive a lieu obligatoirement le jeudi, tous les jeudis, chaque année, le jeudi de mars ou de mai, je ne sais plus. Mais c'est très cyclique, ça. Alors, est-ce que c'est une volonté de ta part, une erreur de ta part ou de... Non, ce n'est pas une erreur, c'est parce que, en fait, le jeudi correspondant à la grande lessive, il y aura tout, c'est clair. Mais les gens ne pouvant pas se déplacer, tout le monde ne pouvant pas se déplacer le jeudi parce que c'est un jour où tout le monde travaille, j'ai offert la possibilité à ceux qui veulent participer de venir accrocher des choses à partir de samedi précédent et jusqu'au samedi suivant. Donc, en fait, le maximum devrait être le jeudi. Mais, en fait, il y aura déjà des choses affichées à partir du samedi, parce qu'il y a des gens qui viendront le week-end et qui ne seront pas là la semaine suivante. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as pu solliciter les écoles ou faire solliciter les écoles? Alors, pour l'instant, j'en ai parlé à la mairie, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait de plus. Je n'ai pas plus d'indications pour le. Ça vaudrait peut-être le coup de les relancer. En tout cas, Madame Masson était d'accord, mais ce que j'attendais surtout, c'est qu'elle me dise, ben, pour cela, à ce moment-là, je vous donne je vais en parler à l'adjoint chargé de l'éducation, et puis vous allez mettre ça en route. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de retours. Ouais, là. Je pense qu'il faut attendre un peu plus la concrétisation, n'est-ce oui, pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut pousser, là, Philippe. Peut-être que c'est encore un peu prématuré, mais... Il faut pousser. Alors, je vais peut-être faire un mot pour que je vais envoyer à la mairie pour qu'elle diffuse. On va voir si ça marche. Parce que je ne connais pas, moi, les écoles. Lycée, tu connais le lycée? Oui, oui, mais en fait, là, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Pour l'instant, il n'y a aucun répondant. Il faut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de Covid, ils ont des contraintes supplémentaires. Alors, je crois qu'ils en ont vraiment jusque par-dessus la tête de ce genre de choses. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas forcer la main là-dedans. Ce n'est pas possible. Ça doit être... c'est au départ bénévole, ça veut dire on veut bien. Donc, si les gens ne mordent pas, ben, ils ne mordent pas. Qu'est-ce que... Je sais pas. Hein. C'est peut-être trop tôt encore. Je ne sais pas si c'est trop tôt ou bien si... En fait, avec cette pandémie, on a habitué tout le monde à un certain attentisme et un fatalisme en même temps. Disant, ben, on ne peut pas s'engager parce que... oui. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si on aura l'autorisation de sortir de la région pour faire ci ou pour faire ça. Donc finalement, on ne fait plus rien. On n'arrive à plus rien programmer, quoi. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Même moi, hein. Enfin, moi j'avais programmé par exemple d'aller à Messerie pour faire du... Ben, je vais y aller. Mais si on avait eu l'interdiction de sortir de la région, ben, c'était cuit, quoi. Enfin, C'est pas facile du tout. Je les comprends et je vois Sylvie qui travaille dans une école. Elle dit c'est la croix et la bannière parce qu'on n'arrive pas à respecter correctement les gestes barrières, parce qu'on a tout le temps des nouvelles indications qui nous sont données par l'inspecteur, par les supérieurs. On ne sait plus quoi faire. Voilà. C'est peut-être aussi ce qui l'a poussé à dire je sors du système. Donc je vois dans ce contexte pandémique, je vois pas trop comment ça peut tourner, sachant que déjà avant les grandes lessives que j'ai vues dans les écoles ici à Strasbourg, elles se passent à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire que quasiment personne ne voit. On voit qu'il y a des choses qui sont suspendues à des cordes à linge, mais en fait on ne voit pas le détail. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer. Bon, alors finalement, on ne sait pas quoi faire. Quoi. Alors que là, ça va être sur la grille. Donc, en passant rue Neuve, on va pouvoir tout voir. Tout est visible. À mon sens, tu vois, oui. Un truc que je ferais, moi. En matière de communication, on aurait établi le jardin merveilleux dans cette espèce de petit nuage informel. Et là-dessus, tu peux venir scotcher la grande lessive. Mais si tu n'as pas d'assises, si ce n'est pas parce que tu dis à la mairie « Voilà, je fais la grande lessive tel jour » que n'attends pas des particuliers qui viennent. Hein. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Pour avoir assisté, moi ça fait 7-8 ans que j'assiste à la grande lessive. À chaque fois que je vois que ça fonctionne, c'est avec les écoles. Tu as très peu de particuliers qui viennent suspendre leurs petits mots, leurs petits messages, etc. Donc, il faut donner envie. Et peut-être que le jardin merveilleux peut être un vecteur donnant envie. Non, je sais pas, que je vois que c'est... Bon, il y a matière à réflexion toujours. Il faut y aller. Donner envie actuellement, en fait, on le voit, ne serait-ce qu'à travers radio, télévision, etc. On en est toujours dans cette espèce de publicité que l'on voit assez souvent. Moi, je trouve qu'on la voit de plus en plus souvent, où on te dit à travers la publicité ce dont vous avez toujours rêvé, ou bien ce dont vous avez envie. Alors, telle voiture, tel machin, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'inculquer des envies à tous ceux qui regardent et tous ceux qui écoutent. Et c'est depuis que le monde consomme, ça, c'est pas nouveau dans ce moment. C'est bien sûr que l'homme avance avec ses envies. Donne-lui envie. Bien, on avance tous avec nos envies. Et plus ou moins vite, selon qu'on a de plus ou moins envie. Mais bon. Et les envies, ce n'est pas forcément quelque chose de néglige, de nocif ou de... Voilà. Les envies, ça fait partie de notre humanité. Alors, moi, j'ai la chose qui pourrait donner envie, qui me vient à l'esprit, c'est de dire, mois de mars, on peut semer, justement, par-dessus les espèces qui vont dégouliner le long de la parole. Voilà. Ensemble. Voilà. Venez semer sur votre jardin merveilleux. Ça, c'est bien. Ça, c'est un... Bravo, Philippe. Ouais. Tu donnes un... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Rodrigue ? Bonne idée. Très bien, parce que tout le monde peut venir semer. Tout le monde a son paquet de graines, de ci, de ça, etc. Bon, il faut juste prévoir un petit espace dans lequel on peut accueillir les uns et les autres. Et puis, quand tu sèmes comme ça, symboliquement, tu es dans une position extrêmement forte. C'est ça. Quand tu sèmes, tu es dans le partage. Tu partages avec la nature. Tu vas permettre à la nature de grandir, de se laisser ensemencer. Et c'est toi qui vas ensemencer la nature du jardin merveilleux. Tiens, je t'ai donné le slogan. Venez ensemencer votre jardin merveilleux. Ça, tu peux le mettre sur Google. Et ça peut donner une certaine résonance. Et en plus, quand tu viens ensemencer quelque chose ou un terrain, c'est très fort symboliquement. C'est un acte qui n'est pas neutre. Hein. Non, tout à fait. C'est un acte qui n'est pas neutre. Ou apportez-nous vos graines. Ou on va faire une grainothèque, je dis n'importe quoi. Quoique, non, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qu'ils font à Quiberon. Non, ensemencer, c'est important parce que, en fait, c'est aussi là que ça donne envie de revenir pour savoir ce que ça devient. Par exemple, ouais, t'as trouvé le truc, là. Bon, maintenant, il faut le mettre en œuvre. C'est simple, c'est pas difficile. Fais un Google. Est-ce que tu as vu que sur Google Business, sur ton annonce, tu peux faire plein de posts, autant que tu en as envie. Tu pourras même... Non, moi j'en étais pour l'instant à remplir, en fait, j'ai rempli toute une partie peut-être administrative. Oui, non, mais ça c'est rien, ça. Après, oui. C'est les posts qui sont importants, avec les mots-clés et qui vont être référencés, etc. Et ensemencer. Bah, ouais, bravo. Tiens, au moins, elle a bien fait de venir. Voilà. Bon, ben voilà, tu vois, c'est la discussion donne du fruit. C'est la naissance de... Oui. Et la connaissance Et même Rodrigue, même si tu viens pas, tu peux envoyer des choses. Ah oui. Oui, donne l'adresse de la boîte aux lettres, comme ça tu accueilles les graines. De toute façon, oui. Oui. Bon, ben voilà. Voilà, en tout cas, une bonne matière. Alors, de quoi on va discuter la fois prochaine, sachant où on en est arrivé là, déjà. C'est-à-dire que là, il y a un acte... terre à terre, fort et symbolique en même temps, qu'on va pouvoir faire entre le samedi précédant la grande lessive et le samedi suivant. Eh bien, dis-le. Alors, pour ça, il faut l'annoncer. Hein. Oui. Pour ça, il faut l'annoncer. Il faut absolument que tu fasses ton annonce Google. Moi, je vois que ça, à moins d'user des organes de presse, etc. Mais bon, c'est beaucoup plus limité. Et je ne suis même pas sûr que dans les délais impartis, Google ait suffisamment référencé le Jardin Merveilleux. C'est quand le Grand Lessive ? Le 25 mars. Mars. Et t'as même pas deux mois. Bon, il faut... Bon, alors, moralité, pardon, je m'emballe, mais bon, moi, quand la machine part, il faut y aller. Bon, ton annonce, il faut la situer. Jardin symbolique, oui, Jardin Merveilleux, derrière le pont de Saint-Goustan. Ouais, je trouvais une formule, un titre, hein, dans lequel tes Jardins Merveilleux, tes Saint-Goustan et tes Aurais. Ça, c'est les trois mots directeurs du titre. Après, faire un acte de... Ouais, cet acte de... Soit dire, le jardin, voilà, il est en puissance de devenir. Ça va être ci, ça va être ça. Mais c'est vous qui allez le construire avec nous. Tu impliques l'autre. Mmh. Et plus tu vas impliquer l'autre, comme pour ensemencer, hein, tu l'impliques. Et derrière ça, tu l'impliques et puis tu le fais venir, quoi. Venez nous rencontrer, venez causer, venez. Voilà. Et ça c'est fort et ça c'est bien. Mais il faut vite le faire. Et moi je pense que pour la semaine prochaine, c'est qu'on est statué sur un texte que tu vas nous soumettre ou que tu fais tout seul, t'as pas besoin de nous, tu sais très bien écrire. Tu écris très bien, Philippe, mais mets tes mots au service de ta pensée. Et puis j'ai vu que Rodrigue aussi, il écrit bien. Non, pas du tout, Si, il écrit bien. Vous avez votre mot à dire, votre écriture à faire aussi, vous. Si, en fait, Claude, là, tu t'es un peu emballé, oui. Ça te motive. Donc, je suis sûr que tu vas avoir des choses à dire dans les prochaines 24 heures. À dire, mais pas à écrire. Ah, tu veux pas écrire. Moi, j'écris pas. Moi, j'écris pas. Ou quand j'écris, j'ai trop écrit. Eh bien, tu feras un podcast. Par exemple. Tu envoies un petit message. Oui, tout à fait. Oui, je peux. Mais on a tous les ingrédients là devant nous. Ils sont là. Oui. Bon. Hein, cultivez votre jardin. Bon, eh ben, J'ai aussi Stéphane qui, en fait, à qui j'ai dit que... j'allais probablement le solliciter pour qu'il fasse un panneau pour annoncer en fait ce qui va se passer sur le terrain. Donc il est prêt, il va faire un truc qui soit plastifié, tout ça, qui soit accroché dessus. Donc ça fait il y a beaucoup de choses à penser là. Mais c'est bien, ça y est, le morceau est jeté. Yacta Est. Exactement. Les dés sont jetés. Mais bon. Mais c'est une belle initiative. Et évidemment, tout ce qui va autour devra aussi être préparé. Hein. C'est pas évident. Les bulletins d'adhésion à la fondation, enfin, je dis n'importe quoi. Le Hello Asso, il sert à ça, en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a tout dedans, ouais. En fait. Il y a les bulletins d'adhésion, la recherche de dons, les soutiens industriels, le crowdfunding. Tout est préparé. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais tu as envie de t'inscrire dans ce genre de démarche? Pour l'instant, je ne suis pas dedans. Mais ce qui va se passer un peu, c'est ce que j'avais fait, d'ailleurs, dans d'autres projets avant, c'est de dire, on fait évoluer la réglementation en avançant avec elle. Donc, vous avez prévu, en fait, tout ce que l'on connaît jusqu'à présent. Mais, par exemple, ce que l'on a, nous, à valoriser le travail fait sur le terrain, il y a très, très peu de gens qui le font. Et ça n'existe pas sur le LOSO. Donc, ce sont des choses qui... en fait, on avance ensemble, on défriche ensemble. C'est vraiment ça. Mais quand on reste sur l'existant, on est très vite frustré. On revient tout le temps sur des notions de fric, en fait. Et il y a des choses qui peuvent se passer sans. Donc, on se revoit jeudi. Alors, jeudi. Qu'est-ce qui se passe Moi, je serai ailleurs. Je serai à Messery, donc à côté du lac Léman. Et alors, tu peux causer là-bas? Oui, je peux causer. Il y a Internet. Il y a Internet et il marche. Et ça marche, oui. Bon, alors, c'est jeudi 11. Jeudi 11, d'accord. C'est la nouvelle lune. Jeudi 11, 15 heures, d'accord. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, sujet. Est-ce que j'aurais avancé? Bon, on fera le point sur ça, sur ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, venez semer dans le jardin merveilleux tout ce que chacun aura pu avancer en la matière. Venez ensemencer votre jardin merveilleux. C'est trop compliqué, ensemencer. Alors, ça va pas. Venez semer dans le jardin merveilleux. Ouais, un truc comme ça. Bon, on va chercher. D'accord. Donc, on parle de... Venez semer dans le jardin merveilleux, mais ouais. Améliorer, quoi. En faire un vrai slogan. Oui. Hein, Rodrigue, t'es d'accord? Oui, je me pose la question s'il ne faudrait pas faire une petite annonce d'ouverture du séparément de cette grande lessive et de semer et tout ça, mais est-ce qu'il ne faudrait pas saisir l'occasion d'annoncer certaines choses dans le journal local ou je ne sais pas où oui, dans le journal local, c'est souvent efficace, tout le monde le lit. Hein. Oui, alors en fait, à travers ça, je peux le faire. Je pense que j'ai le bon sujet pour pouvoir l'annoncer dans le journal local là, de Auray. C'est quoi? C'est Vivre Auray, je crois. Voilà. Parce qu'en fait, ça. Et oui, non, mais Vivre à Auray, c'est un mensuel. Oui. Il faut communiquer avec la mairie, hein. Oui. Et ça marche, ouais, mais bon, il faut que tu aies bien tes entrées. Dans Vivre à Auray, il faut communiquer et tu n'auras pas le temps d'ici la grande lessive. Hein. Oui, c'est un bon travail, ça. En tout cas, j'ai Catherine qui... Oui, voilà, moi je pense plutôt à ça, mais il faut annoncer quelque chose qui donne envie, quoi. Et je pense que de venir semer son jardin, ça me paraît être un bon moteur. Oui. Pour donner envie. Mais bon, être prêt et faire une action spécifique, ce sont deux choses différentes. Hein. Complètement. Être prêt, c'est la question, est-ce qu'on sera prêt? Faire une action, c'est très bien. Ça attire l'attention, ça engage. Mais tout doit être quand même assez bien défini, ce qu'on souhaite définir, naturellement. Et je te reconnais bien, Rodrigue. Je te reconnais. Alors, il y a une chose intéressante que j'avais notée dans, lorsque j'ai adhéré au Cap des Possibles. c'est que en fait, le cap des possibles qui est à Auray touche beaucoup de choses. Hein, c'est de l'altérité en fait, hein, l'altermondialisme de l'altérité. Et ils ont une journée. Ils organisent en général une journée justement des alternatives. Ouais, on y avait été avec Michael. Ouais. L'année dernière, elle n'a pas eu lieu parce que à cause de la pandémie. Oui, c'était à la Trinité-sur-Mer qu'ils l'ont fait. Oui, et ben, on y a été. Mmh. On y a été, mais là, alors je vous donne un petit ressenti. Je te donne un petit ressenti. Moi, j'avais été un petit peu déçu parce que on avait rencontré différentes associations. Et notamment Alternibat, sur lequel le cap des possibles est souché. Hein. Oui, Alternatiba. Collectif oui. Alternatiba des possibles. Et on avait rencontré du monde là-bas, on avait passé une après-midi à la Trinité, mais moi, ça m'avait un peu déçu. Ça m'avait un peu déçu parce que ça manquait de souffle. Ça, je sais pas. Autant je me laisse assez vite convaincre lorsque le monde associatif est, tu le sens actif, tu le sens avec des projets, ci et ça. C'était un peu pauvre de tout ça. Et pourtant, j'aime beaucoup l'associatif. Hein, Mais c'est bien, justement. Je trouve que c'est très bien parce qu'on peut peut-être donner du souffle. Oui, mais donner du souffle, oui. Et de toute façon, il faudra mouiller la chemise. Hein. En un mot, je ne sais pas si on peut on peut entièrement s'appuyer sur des gens comme ça. Non, c'est pas s'appuyer sur des gens comme ça. Moi, je suis dans ce qu'on vient de dire. Je suis dans semer. Ouais. Semer pour, je dirais, ouais. proposer ouais. pour ensemencer. Puis après ça, si ça tombe dans la bonne terre, eh ben, ça germera. Eh bien, tu viens de me donner une idée, là. Eh bien, Alternatibat, là, il faut qu'il soit là sur le jardin. Il faut avoir rendez-vous avec lui. Un samedi ou un dimanche, qu'ils viennent mettre son stand et s'afficher. Et ça, l'ouvrir à d'autres associations dans Auray, ça peut être très bien. Bon, il faut réfléchir avec elles. Il y a 100 et quelques associations à Auray. 100 ? 100. Énorme. Oui, c'est énorme. Bon. Et sans active, hein. Waouh. Bon, alors, effectivement, les marcheurs ont plus de monde que si tu fais du tir olympique. Mais bon, on peut rechercher à Auray, je ne sais pas si on a ça, bah, je vais regarder. Si on a encore ce catalogue des associations, de façon à ce que tu puisses solliciter certaines d'entre elles à venir. Ça peut faire un peu de... ça peut faire un peu de... Comment ça s'appelle ? Un peu de buzz. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'à travers le Alternatiba, là, justement, le truc des possibles, et puis à travers Hello Asso, en fait, ils ont des parutions, en fait. Hein, ils ont des envois de façon diffusés de façon générale. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de retour de Alternatiba, parce que j'ai envoyé ça par lettre, parce qu'il faut payer, hein, donc... Alors que Hello Asso, ça y est, on est inscrit, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, on ne va pas anticiper sur les choses qui vont nous venir à l'esprit dans les prochains jours et qui vont nous permettre de discuter la fois prochaine. Non, mais on peut orienter nos esprits quand même. Hein. Excellent, excellent. Bon. Écoutez, on en reste là ? Oui, on se tient bien au courant. Bon, ben, les amis, c'était très bien. Mais, bravo, Claude, pour ton idée. Ah, c'est pas moi, l'idée. Dans ce moment-ci, c'est celle de Philippe. Non, moi, mon idée, c'est qu'on essaye de moins patiner. J'ai l'impression qu'on patine. Et il faut qu'on puisse rentrer un peu plus dans le concret, et là je te rejoins bien, Roderick, il faut qu'on arrête un petit peu de se chercher et qu'on commence un peu à se trouver, quoi. Mais pour se trouver, c'est dans le concret. Le concret. Alors le concret, il n'est peut-être pas aussi spirituel que ça, quoi. Il y a un fil conducteur à trouver, il y a une marche, plutôt pas une marche, mais une ligne de crête étroite qu'il faut trouver, mais bon, on va la trouver, hein? Philippe, tu dois trouver, pour une fois tu dois trouver un petit chemin vers le bas pour, exactement. Je les connais, les chemins vers le bas, puisque je les ai faits, mais en étant assuré. J'ai pas l'impression que l'on patine. Peut-être que vous avez l'impression de patiner. Moi, je patine pas du tout là-dedans. D'accord. Je vois que les choses avancent. Et on n'est que trois, pour l'instant, en fait, à discuter. Mais on pourrait être plus. Là, je peux vous le dire, on pourrait être plus. Mais c'est beaucoup plus difficile à gérer. C'est ça qui est casse-pied. Alors, les autres, pour l'instant, je les entretiens de ce que, en fait, on discute, d'une partie de ce que l'on discute selon l'endroit où ils se trouvent, selon les sensibilités de chacun. Mais on a pas mal qui avancent. Il y en a 4-5 déjà qui sont. Qui veulent s'y investir, quoi. En gros, parle-nous-en. Qu'est-ce qu'ils savent ? Qu'est-ce qu'ils veulent apporter ? Voilà, des rencontres qu'on pourrait faire sur le jardin au mois de mars. Oui. Bon, allez, à voir. Allez, salut. Bonjour Claude, merci Philippe. Passez du bon temps, bonne semaine, à jeudi prochain. À jeudi. Salut. Voilà.